C'était un signe important. Encore fallait-il être capable de l'interpréter. Le 10 juillet 1966, Mao Zedong se jette à l'eau, au sens propre comme au sens figuré. Ce jour-là, le dirigeant chinois, 72 ans, a choisi de se baigner dans le grand fleuve Yangtze. Porté par le courant, il nage sur une distance d'une quinzaine de kilomètres, accompagné par ses fidèles et au milieu d'une véritable flottille de petits bateaux où ont pris place photographes et opérateurs des actualités filmées. Les images retransmises par la télévision chinoise font sensation. Le président Mao vient de donner une preuve éclatante de sa bonne santé. Et certains turiféraires n'hésiteront pas à affirmer que le numéro un chinois a nagé à une allure de champion olympique. Peu de gens ont encore compris, mais ce bain symbolique est le point de départ d'un phénomène inédit et qui restera longtemps mystérieux pour l'Occident, la révolution culturelle. Une vague irrépressible qui déferle sur tout le pays, déchaîne l'enthousiasme de la jeunesse, bouscule tout sur son passage et cause la mort de centaines de milliers, sinon de millions de Chinois. Car Mao Zedong est de retour, et il entend le montrer de façon spectaculaire, une résurrection politique inattendue qui se traduit par une révolution dans la révolution. Nul n'est à l'abri, les têtes tombent, les potentats sont chassés et humiliés, les statues sont brisées. Mao l'a dit, sans destruction, il n'y a pas de reconstruction possible. À quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, et alors que le Tibet vient d'être frappé par la répression, M. X tente de décrypter cette très étrange révolution culturelle qui a bouleversé pendant au moins 4 ans le pays le plus peuplé du monde. Un mot d'abord, hein. La révolution culturelle a certes été une révolution, mais elle n'a eu de culturel que l'adjectif, si j'ose dire. Bon, je vous expliquerai pourquoi. Même si les intellectuels ont été parmi les premières victimes de cette éruption incontrôlée et souvent incontrôlable. Et encore une fois, il faut citer Mao Zedong, lui-même qui se piquait de poésie et met à parler par image pour mieux frapper les esprits. Alors, mais je ne vous garantis pas le mot à mot de la traduction. Il a dit au commencement de la révolution culturelle, « La classe capitaliste et la peau et les intellectuels sont les cheveux qui poussent sur cette peau. Quand la peau meurt, les cheveux tombent. » Bref, gare aux intellectuels. C'est à peu près ce qu'il voulait dire. Et nombre d'entre eux l'ont payé de leur vie ou au mieux de la privation de liberté. Alors, si vous le voulez bien, remontons aux sources de l'événement. Oui, mais par où commencer alors? La révolution culturelle s'est traduite par une épuration drastique au sein du Parti communiste chinois et plus généralement des structures de l'État. Ouais, mais les deux se confondaient. C'est exact. Mais ce n'était pas la première. Il y avait déjà eu une purge tout aussi impitoyable. Et cela avant même que la Chine ne devienne communiste. Donc avant 1949. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942-1943. On ne parle pas alors de révolution culturelle, mais de campagne de rectification. À l'intérieur du parti. En effet. Mmh. Le parti qui contrôle une zone du territoire chinois et qui se bat contre l'envahisseur japonais. Mao Zedong est déjà le numéro un du PC, mais il entend éliminer ses éventuels rivaux. Afin de conforter son pouvoir. C'est évident, le grand artisan de la purge est Kang Cheng. Je connais, ça c'est le maître espion de Mao. Un homme de l'ombre aussi redoutable que mystérieux. Kang conduit alors une vraie chasse aux sorcières. Les intellectuels, petits bourgeois, selon la terminologie en vigueur, sont les premières victimes de ces procès staliniens. Et c'est à cette occasion qu'on voit apparaître le culte de la personnalité organisé autour de Mao. Et ça n'ira qu'en s'amplifiant. Toutefois, malgré cette épuration, l'armée rouge ne cesse de progresser en effectif et en puissance. Et après avoir conclu une brève alliance avec les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek pour chasser les Japonais, l'armée de Mao triomphe en 1949. Et Chiang, lui, se replie à Formose. Oui, qu'on appelle aujourd'hui Taïwan. Dès sa victoire, le Parti communiste chinois, alors très proche de son homologue soviétique, entreprend des réformes économiques directement inspirées par Staline. Ouais, la collectivisation. Seule différence notable, la réforme agraire imposée dans le sang en URSS est beaucoup plus souple. Ne serait-ce que parce que la paysannerie est le principal soutien du nouveau régime. Et que Mao, faut le noter, ne cessera de se revendiquer comme étant un fils de paysan. C'est parfaitement exact. Du riche paysan, quand même. Mais la lune de miel avec le Kremlin ne va guère durer. dès 1956, après que Khrouchtchev eut dénoncé les crimes de Staline, Mao prend ses distances. Ah, il accusera même ses camarades soviétiques de révisionnisme. Voilà un terme qui va faire florès en Chine, en particulier au moment de la révolution culturelle. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Bah, comme d'habitude, quoi. Bon, Pékin choisit donc une voie originale pour construire le communisme. Et pour frapper les esprits, les autorités lancent une grande campagne. Ouais, jeter les 100 fleurs. C'est ça. Ouais. Et c'est bien sûr Mao Zedong qui est à l'origine de cette initiative dont l'intitulé exact est « Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent ». La poésie toujours. Bah, le langage des communistes chinois est toujours très fleuri. Oui, d'accord. Mais enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, encore une fois, ce sont les intellectuels qui se trouvent au cœur de ce projet. Et c'est très ambigu, car après avoir demandé à ces intellectuels de coopérer activement à la construction du socialisme, on les menace en lançant un slogan particulièrement explicite. Il faut en effet obliger les serpents à sortir de leur nid. Les serpents, c'est-à-dire qui Bah, les intellectuels. Ah, tous ouais. Ces types qui, fort de leur culture et de leur savoir, n'hésitent pas à critiquer celui qu'on appelle désormais le grand timonier. Hey, Mao, ouais. Hey, lui-même, oui. Et après avoir obtenu alors que ces serpents sortent de leur nid, bah, que fait-on, leur coupe la tête? Pas tout à fait. Mais pour leur apprendre la vie, la vraie vie, j'entends, on les envoie d'autorité à la campagne. Pour participer au travail des champs, donc. Exactement. Comme on voit les choses en grand, ce sont plus de 500 000 intellectuels qui sont ainsi fermement invités à rejoindre la campagne. Beaucoup y resteront une vingtaine d'années avant d'être autorisés à revenir en ville. Au fond, c'est une sorte de révolution culturelle avant l'heure. Il y a de ça, en effet. Et inutile de vous dire que ces fleurs ont un parfum amer. Mais ce n'est qu'un début. Un an plus tard, en 1958, Mao lance une nouvelle campagne d'envergure. Cette fois, ça s'appelle le grand bond en avant. Expliquez. Il s'agit de sortir la Chine de son sous-développement et de son dénuement. Partout dans le pays, les Chinois doivent faire preuve d'enthousiasme révolutionnaire et surtout innover. Oui, mais concrètement, encore une fois, ça se traduit comment? Par une débauche d'initiatives. Dans les villages, on édifie par exemple des petites aciéries, le but étant de multiplier par deux la production d'acier. En même temps, l'énergie révolutionnaire, moteur de ce grand bond en avant, doit être mise à profit pour développer les ressources agricoles. Les coopératives sont regroupées. L'exploitation est militarisée et on annonce des objectifs de production absolument ahurissants. Et le résultat? Avec les proprement catastrophiques. Et des régions entières vont être sinistrées. Parce que quoi, les objectifs ne sont pas atteints. Le grand bond en avant introduit surtout le désordre et la gabegie. C'est si grave que la famine se répand dans les campagnes. Un vrai désastre humanitaire. Des millions de Chinois sont victimes du grand bond en avant et meurent de faim. On observe même des cas de cannibalisme dans certaines régions. Mais, naturellement, le gouvernement sauve la face en publiant des chiffres de production truqués. C'est un échec personnel pour Mao. Incontestablement. Mais il n'est pas question de le reconnaître officiellement. Mao demeure le grand timonier envers et contre tout. Cependant, au sein même du parti, certains commencent à regimber et à critiquer plus ou moins ouvertement les géniales improvisations de Mao. La naissance d'une opposition? Oui. En décembre 1958, le numéro 1 chinois doit abandonner l'une de ses prérogatives, son poste de chef d'État. C'est pareil. Mais tout ça se fait avec beaucoup de subtilité. Mao n'est jamais mis en minorité au sein des instances du parti, même s'il a dû jeter du lest. D'accord. Et qui le remplace alors à la tête de l'État? L'un de ses plus proches compagnons, Liu Shaoqi. Donc, d'une certaine façon, Mao garde la main. Tout en restant en retrait, c'est très habile. Mao fait de Liu Shaoqi un arbitre, ce qui lui permet à lui, Mao, de ne pas assumer personnellement l'échec cuisant du grand bond en avant, même si personne n'est dupe, car la contestation prend de l'ampleur. Un fidèle parmi les fidèles, vétéran de la longue marche, et qui a conduit le parti à la victoire, le maréchal Peng Dehuai, ose prôner une ligne différente. Et Mao laisse faire? Oui, parce que le moment venu, il pourra mettre en cause le vieux maréchal et critiquer son ambition sans toutefois désavouer ses idées. C'est très machiavélique. Ça correspond parfaitement au caractère de Mao qui navigue à vue et donne des coups de patte à gauche aussitôt après avoir condamné la droite. La meilleure illustration sera sa conduite pendant la révolution culturelle. En attendant l'urgence, consiste à redresser le pays qui, en dehors même des terribles conséquences humanitaires du grand bond en avant, a connu une véritable récession économique. Et on va même assister à une sorte de dégel, un peu à l'image de la période de déstalinisation qui a suivi en URSS la dénonciation des crimes du petit père des peuples. Simon Less, un des meilleurs connaisseurs de la Chine de cette époque, et surtout un des plus lucides, analyse ainsi le comportement de Mao Zedong et la fascination qu'il a exercée sur ses compatriotes. Chose étrange, pour un meneur d'hommes d'une telle envergure, Mao était par nature dénué de ce magnétisme qui soulève les foules. Orateur médiocre, il parlait d'une voix de tête sur une intonation monotone de son accent unanais très prononcé, dont il ne réussit jamais à se débarrasser, ne faisant rien pour améliorer les choses. Les masses pouvaient facilement se sentir sur un pied d'intimité avec des chefs comme Zhu De et Peng Duai, à cause de leur simplicité et de leur humanité chaleureuse. Elles aimaient Zhou Enlai, le charmeur aristocratique et serviteur désintéressé de la chose publique, mais avec Mao, c'était une autre histoire. Une propagande savamment orchestrée réussit à imposer son image au peuple sous les traits d'un dieu solaire. Une tradition impériale vieille de plus de 2000 ans avait créé dans la conscience collective le besoin d'un dirigeant suprême et quasi mystique. Le bref et fragile intermède républicain n'avait pas réussi à coucher d'une convaincante formule de rechange, et aussi Mao, dans sa sagacité, comprit-il tout l'usage qu'il pouvait retirer de la manipulation de cet antique héritage? Qu'il ait été lui-même l'instigateur de son propre culte ne saurait être mis en doute. Il en justifia cyniquement la nécessité, faisant observer à l'écrivain Edgar Snow, « Khrouchtchev n'a pas voulu d'un culte de sa personnalité. Voyez comme il a fini. » Mais s'il devint ainsi un dieu pour les foules, ceux qui se trouvaient directement en contact avec lui éprouvaient un sentiment de malaise devant ses façons distantes, secrètes et tortueuses, son manque de loyauté, la manière impitoyable dont il pouvait se débarrasser de ses plus anciens compagnons de lutte, de ses plus fidèles auxiliaires, du moment où ceux-ci risquaient d'entraver ses plans ou avaient osé formuler des critiques. Ce texte de Simon Less et bien d'autres figure dans un volume de la collection Bouquins publié en 1998 par Robert Laffont. Le dégel qui intervient à la fin des années 50 met un terme à toutes les initiatives hasardeuses du grand bond en avant. C'est donc clairement un désaveu pour Mao, hein, on l'a déjà dit. C'est évident, oui. Mais c'est un désaveu à usage interne, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il demeure circonscrit dans les hautes sphères du parti. Seuls les dirigeants, pour la plupart compagnons de longue date de Mao, savent quelles sont les erreurs commises par ce dernier. Mais ils gardent l'information pour eux, de peur d'écorner le mythe. Car qu'ils le veuillent ou non, ils vivent sous la protection du grand homme et n'ignorent pas qu'ils lui doivent leur pouvoir. Mais le petit peuple, lui, n'en sait rien. Au reste, il serait trop facile à Mao d'accuser ses hommes liches de ses propres fautes. Ainsi que le pratique, hein, la plupart des dirigeants politiques. Si j'ai dérapé, c'est que j'ai été mal conseillé. En tout cas, c'est ainsi que Mao perpétuait sa légende, sinon la réalité d'un pouvoir qui fuyait entre ses doigts. Cependant, tous ceux qui le connaissaient bien craignaient un soudain coup de patte de ce tigre qui n'était que très provisoirement dompté ou calmé. Donc, si j'ai bien compris, à cette époque, si Mao garde un pouvoir, c'est surtout celui de nuire. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Mais à votre avis, jusqu'où pouvait aller la, appelons ça comme ça, la démaoïsation? Bah, écoutez, malgré tout ce que je vous ai dit, le mouvement était en marche. Et il serait difficile de l'arrêter. Des hiérarques du parti préparaient des dossiers, accumulaient des preuves. Contre Mao? Oui. Ouais. Et si vous voulez le fond de ma pensée, la véritable origine de la révolution culturelle se trouve là, dans la peur de Mao, qui redoutait d'être obligé de son vivant d'assister et de subir une authentique démaoïsation, pour reprendre votre expression. La révolution culturelle, alors, serait donc, du point de vue de Mao, hein, une réaction d'autodéfense? Une façon de reprendre la main. Ça me paraît évident. Alors voyons comment il va préparer sa riposte. En dépit de sa relative disgrâce, le grand timonier dispose encore de quelques leviers, le moins n'étant pas celui de désigner son successeur. Alors justement, qui a-t-il choisi là? Le candidat le mieux placé semble être Liu Shaoqi. Sa nomination à la tête de l'État le prouve clairement. Alors, un mot, peut-être, sur ce personnage, hein? Volontiers. Originaire de la même province que Mao, le Hunan, au sud de la Chine, il a accédé dès 1943 à la place de numéro 2. Cependant, de l'avis de tous ceux qui connaissent le microcosme communiste, Liu n'a toujours été qu'un honnête exécutant, une simple courroie de transmission entre Mao et l'appareil du parti. Un monde d'envergure. C'est certain. Au reste, cet homme médiocrement cultivé brille surtout par sa prudence. Alors, ce n'est pas par hasard si Mao l'a choisi, Liu Shaoqi n'était pas en mesure de devenir un concurrent sérieux. En effet. Il n'empêche que souvent, le pouvoir donne des ailes et Liu se laisse griser. Ouais, c'est malheureusement humain, ça. Et ça finira par lui coûter très cher. Ouais. Mais Liu Shaoqi, là, n'est pas tout seul. C'est vrai. À côté de lui, deux hommes jouent un grand rôle. D'abord, le rusé Su Wanlai, un dirigeant insubmersible qui survivra à toutes les vicissitudes et demeurera, quoi qu'il arrive, le fidèle bras droit de Mao qui en fera son premier ministre. Son diplomate aussi. Exact. Et puis il y a Deng Xiaoping, le secrétaire général du parti, le petit joufflu, comme on l'appelle familièrement. Un homme prodigieusement habile et ambitieux qui a la haute main sur l'appareil communiste. Mais c'est d'un troisième personnage que je voudrais vous parler. Qui alors ? Lin Biao. Lui, c'est un militaire. Un maréchal et éminent stratège à qui Mao doit un certain nombre de ses succès guerriers. Ce vétéran est un homme qui ne paye pas de mine, mais nourrit secrètement une ambition forcenée. Dès 1959, alors même que Mao se trouve sur la phase descendante, ce dernier en a fait un personnage essentiel de sa reconquête du pouvoir. De quelle façon, là ? Il a réussi à le faire nommer ministre de la Défense. C'est très important, car Lin Biao jouit d'un grand prestige dans l'armée. Et lorsque la révolution culturelle éclatera, ce bourreau de travail apparaîtra comme étant le nouveau successeur du grand timonier. À la place donc de Liu Shaoqi, donc. Effectivement. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que Lin Biao se pose aussi comme le meilleur turiféraire de Mao. Ouais, en d'autres termes, un peu lèche-botte. Et même beaucoup. Mais ce qui intéresse d'abord le grand timonier, c'est l'influence de Lin Biao au sein des cercles militaires. Lin Biao qui entreprend de façonner l'armée à la mode maoïste. C'est-à-dire ça. Bien, fidèle aux principes élaborés par Mao lors du grand bond en avant, il privilégie la ferveur révolutionnaire au détriment de l'expérience professionnelle. Selon lui, il faut revenir à la pureté originelle, celle qui animait la guérilla paysanne et la guerre populaire. Il veut donc édifier une armée de militants révolutionnaires. Tout à fait. Et Mao lui-même, malgré l'effacement qui lui a été imposé, donne le là. En 1962, devant le comité central du parti, il défend déjà les trois principes qui formeront la colonne vertébrale de la future révolution culturelle. Il faut d'abord assurer à la jeunesse une formation idéologique authentiquement révolutionnaire. Ouais. Ensuite, il convient d'éradiquer tous les ferments réactionnaires qui brident encore le développement du socialisme dans les campagnes. Bref, il faut lutter contre l'instinct de propriété des paysans et l'inertie d'un trop grand nombre de cadres du parti. Et enfin, troisième axe, il s'agit de briser le monopole des intellectuels sur la culture. Encore les intellectuels? Chez Mao, c'est une idée fixe. Les intellectuels sont par nature réfractaires au socialisme révolutionnaire. Ouais. Est-ce qu'il est écouté? Non, à cette date, il prêche encore dans le vide. Enfin, peu importe. En dépit de l'hostilité de la majorité des dirigeants du parti, il ne cesse de marteler son discours. Il prépare le terrain, quoi. Patiemment, oui. Ouais, une guerre d'usure? Et pour ce faire, il compte sur plusieurs forces. D'abord, bien sûr, il y a cette armée travaillée de l'intérieur par Lin Biao, et qui, en 1965, va même jusqu'à supprimer les grades. Une décision importante. Le ministre de la Défense entend ainsi diminuer l'influence des cadres au profit de la base. Toujours dans le même esprit, Mao veut s'adresser directement à la jeunesse, une classe d'âge trop jeune pour avoir connu le grand bouleversement de la révolution de 1949 et qui aspire aujourd'hui à vivre aussi sa part d'héroïsme. Et une jeunesse frustrée. Et qui a tendance à considérer que les révolutionnaires de 1949 ne sont plus que des anciens combattants. Mao s'est aussi compté sur l'appareil de sécurité où règne le redoutable Kang Cheng. Et puis, dernier atout, un autre pôle de contestation voit le jour à Shanghai. C'est lui qui va donner son nom à la révolution qui se prépare dans les coulisses. Ouais, la révolution culturelle. Et de quoi s'agit-il à Shanghai ? À Shanghai, à Shanghai, où Mao s'est ostensiblement réfugié afin de montrer qu'il se défie de Pékin et du premier cercle du pouvoir. Un petit noyau d'intellectuels commence à s'agiter. Il est essentiellement animé par la propre femme de Mao, Jiang Qing. La terrible Madame Mao. Terrible, oui, mais si vous le voulez bien, nous parlerons aussi plus longuement de cette femme qui va jouer un rôle central dans la révolution culturelle. Et qui en paiera plus tard lourdement le prix. Hein. Alors, à l'initiative de Jiang Qing et de ses amis, dont un médiocre écrivain, on voit naître une violente campagne contre une obscure pièce de théâtre qui a été représentée à Pékin. Le véritable but, c'est d'attaquer le maire de la capitale qui a autorisé ce spectacle jugé révisionniste et réactionnaire. Et le maire fait forcément partie de la nomenclatura du parti. Ah, bien sûr. Donc, au départ, cette campagne est minimaliste. Certes, elle n'aurait jamais dû prendre l'ampleur qu'elle va revêtir. Car très vite, on assiste à une attaque en règle contre le pouvoir. Une propagande inouïe et dévastatrice. Donc la pièce de théâtre, là, n'a servi que de prétexte. Bah, naturellement. Mais c'est à partir de ce fait insignifiant que Mao va conduire sa reconquête du pouvoir. Une reconquête qui se traduit, n'ayant pas peur des mots, par un véritable coup d'État. L'interprétation de la signification de la révolution culturelle a souvent été mal comprise en Occident. Simon Less, l'un des meilleurs observateurs de la Chine, en a pourtant donné très tôt, dès 1967, une explication limpide. Je reviens vers lui. La révolution culturelle, qui n'eut de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte tactique initial, fut une lutte pour le pouvoir, menée au sommet entre une poignée d'individus, derrière le rideau de fumée d'un fictif mouvement de masse. Même si, reconnaît Less, cette lutte a engendré par la suite un courant de masse authentiquement révolutionnaire qui s'est développé spontanément à la base, se traduisant par des mutineries militaires et par de vastes grèves ouvrières qui, n'étant pas prévues au programme, furent ensuite impitoyablement écrasées. L'auteur poursuit ainsi. En Occident, certains commentateurs persistent à s'attacher littéralement à l'étiquette officielle et veulent prendre pour point de départ de leur glose le concept de révolution de la culture, voire même de révolution de la civilisation. On regarde un thème aussi exaltant pour la réflexion, toute tentative pour réduire le phénomène à cette dimension sordide et triviale d'une lutte pour le pouvoir sonne de façon blessante, voire diffamatoire aux oreilles des maoïstes européens. Les maoïstes de Chine, eux, ne s'embarrassent pourtant plus de telles délicatesses. La définition de la révolution culturelle comme une lutte pour s'emparer du pouvoir n'est en effet pas une création des adversaires du régime, c'est la définition officielle proposée par Pékin et constamment répétée dans les éditoriaux des journaux du parti dès le début de 1967, au moment où le mouvement était suffisamment avancé pour pouvoir définitivement abandonner le paravent culturel derrière lequel il avait abrité ses premiers pas. Alors, avant de poursuivre, je vous l'ai promis, un mot sur Jiang Qing. Madame Mao. Cette starlette s'appelle d'abord Pomme Bleue, avant d'être connue sous le nom de Jiang Qing, ce qui veut dire rivière d'azur, quand elle devient Madame Mao. La troisième Madame Mao. Madame rivière d'azur, très beau. Et le grand timonier a déjà été marié deux fois. Hein. Oui, oui. Ouais. Et Jiang Qing, quand elle a réussi à mettre le grappin sur Mao, a commencé par faire le vide autour de lui. Ainsi, la deuxième épouse a été envoyée en URSS, où elle aurait été enfermée dans un asile d'aliénés. Les maîtresses, elles aussi, ont été éloignées, ce qui n'empêchera pas Mao de continuer à mener une vie amoureuse très active. D'après son médecin personnel, il avait un faible pour les très jeunes filles. Ouais, mais Jiang Qing surveille, non ? Bien évidemment. Alors, qui est-elle ? Ben, je vous l'ai dit, c'est une starlette et même une demi-mondaine qui, entre deux tournages de films sans intérêt, accumule les amants. Parmi ceux-ci, il y aurait eu Kang Cheng, le chef des services secrets. Lui aussi, très amateur de chair fraîche. En tout cas, c'est peut-être grâce à ce dernier qu'elle a fini par obtenir le rôle de sa vie. Être l'épouse du grand homme. Oui, il faut aussi noter que jusque dans les années qui précèdent la révolution culturelle, Bianchi ne joue aucun rôle politique. Elle s'occupe surtout d'un projet qui lui tient à cœur, la réforme de l'opéra chinois. Ouais, dont elle veut faire un instrument révolutionnaire. Mais particulièrement barbant, si vous me passez cette expression. Je vous le passe. Et rappelez-vous que c'est à propos d'une pièce de théâtre que l'Acaria Jiangqing fait irruption dans le champ politique. Alors, quelle influence a-t-elle eu dans le processus de la révolution culturelle? Son action a sans doute été moins importante qu'on ne l'a prétendu, parce qu'il ne faut pas oublier que la bande des quatre, comme on a fini par l'appeler, et à qui on a attribué la plupart des méfaits de la révolution culturelle, était d'abord une bande des cinq. Et le cinquième n'était pas le moins éminent. D'accord. Mao. Mao lui-même. Ouais. C'est lui qui composait la partition au fur et à mesure. Et qui manipulait donc la bande des quatre. Naturellement. Rien ne pouvait se faire sans lui. Alors bien sûr, Jiangqing est souvent apparu au premier plan. Fière d'être devenue l'impératrice rouge après avoir connu une jeunesse mouvementée et guerreuse. Mais c'est le grand timonier qui tirait les ficelles. Puisque c'est lui qui avait initié ce coup d'État qui devait lui permettre de recouvrer son pouvoir perdu. Alors, voyons ça dans le détail. Oui, attendez, là, vous avez parlé de la bande des quatre, mais les trois autres, là, qui étaient-ils? Oh, bon, il y avait un écrivaillon, permettez-je, je regarde mes papiers, j'ai du mal à retenir tous ces noms chinois. Il s'appelait Yao Wenyuan. Ouais. Et puis, il y avait le directeur de la propagande, un certain Zhang Chunqiao, et surtout Chen Boda, le secrétaire de Mao. Et tous les trois dévoués donc à Madame Mao. Absolument. Une remarque toutefois avant de poursuivre. Il faut aussi avoir à l'esprit le contexte international. D'abord la montée en puissance des mouvements de libération dans les pays du tiers-monde. Mouvement soutenu par les Chinois. Hein. Et leur combat est exalté par les jeunes révolutionnaires de la révolution culturelle. On est alors en pleine guerre du Vietnam, il ne faut pas l'oublier. Et subtilement, on propage l'idée que le diable états-unien finira tôt ou tard par attaquer la Chine. Ensuite, il y a la grave détérioration des relations avec l'URSS. Et ça ira jusqu'à l'affrontement armé aux confins des deux pays. En 1969, oui. Pour les communistes chinois, les soviétiques révisionnistes ont choisi clairement le camp de la réaction. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais ça signifie que les Chinois ont maintenant le sentiment d'être les seuls à brandir le drapeau de la révolution mondiale. Un sujet de fierté pour les gardes rouges. Assurément. Hein. Alors la suite. Tout au long de l'année 1965, la fièvre monte. Mao, replié dans le sud de la Chine, fait monter la pression et par l'intermédiaire de la bande des quatre, ne cesse de critiquer les dirigeants du parti. Première conséquence de ces coups de boutoir, le chef d'état-major de l'armée rouge est renvoyé. Lin Biao, là, le ministre de la Défense, a donc maintenant les mains entièrement libres. En même temps, la bande des quatre s'arrange pour galvaniser la jeunesse et lancer des appels enflammés. C'est la jeunesse, pour reprendre la langue de bois en vigueur, qui permettra d'aboutir à la libération des masses. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'il explique le caractère original de la révolution culturelle. On va assister à une véritable insurrection des jeunes, une insurrection apparemment spontanée. Ouais, bah, mais manipulée en réalité par Mao et ses complices. Bah oui, cependant c'est très sincèrement que les jeunes chinois vont se lancer dans l'aventure. Leur enthousiasme est réel, incontestable. Ils veulent du neuf, ils veulent surtout mettre à bas les vieilles institutions et un ordre social qui les opprime. Ouais. Et parfois, les instigateurs de cette révolte seront eux-mêmes dépassés par ce mouvement impétueux. C'est juste. Et on verra ça plus tard, car il faudra alors réprimer pour rétablir l'ordre. En attendant, le premier coup est donné en mai 1966 avec la création du groupe de la Révolution culturelle. Un organisme qui va s'emparer peu à peu des leviers du pouvoir et même marginaliser le comité central du parti. Eh ben. Le deuxième coup est tiré très vite, au début juin. Une assistante de philosophie de l'université, directement inspirée par Madame Mao, lit un texte incendiaire à la radio de Pékin. Les intellectuels sont accusés d'opprimer le mouvement révolutionnaire naissant. Et Mao s'empresse d'applaudir. Ouais, ça, c'est la vraie naissance de la révolution culturelle. Oui, oui, oui. Ouais. Et tout de suite après, le grand timonier plonge dans le fleuve Yangtze pour montrer à tous qu'il se trouve dans une forme physique exceptionnelle. Et d'ailleurs, deux jours plus tard, après sa longue absence, il revient à Pékin. Fin d'exil. À partir de là, tout va très vite. Très peu de temps après, le comité central se réunit, de nombreux caciques du parti sont absents. Et surtout, cette session se déroule sous surveillance. Non seulement on a observé des mouvements de troupes dans la ville, mais des professeurs et des étudiants révolutionnaires ont investi la salle. Ils prennent la parole. Naturellement. sont eux qui mènent les débats. Il en résulte la rédaction d'une charte qui officialise en quelque sorte la révolution culturelle. Mais ça s'exprime comment alors ? Bah, les masses, toujours pour reprendre le jargon en usage, ont désormais le droit, sinon le devoir, de dénoncer et même renverser les responsables du parti qui s'opposent à leur action libératoire. Ah oui, alors ça c'est la révolution dans la révolution. Oui, hein, oui. Clairement, Mao et les siens veulent dynamiter le parti communiste. Et les jeunes exaltés qui les suivent sont chargés d'en finir avec les quatre vieilleries, comme le dit lui-même le grand timonier. Les vieilleries, là, c'est quoi Ce sont les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Ah, il s'agit donc de détruire. Oui, détruire, mais pour mieux reconstruire. Et la tâche immense est confiée aux fameux gardes rouges qui vont apparaître dans les usines et les villages. On voit alors des cohortes d'écoliers, de lycéens qui se précipitent à Pékin afin de voir et même rencontrer leur idole. Mao Zedong. Ouais. Alors bien sûr, y a une large part de spontanéité, mais la police et l'armée veillent. Et c'est en bon ordre que plusieurs millions de jeunes défilent devant le grand timonier et clament leur adhésion à la pensée de Mao. Il y a mise en scène. Évidemment. Ouais. Et quand alors débutent les premières exactions ? Ah ben, ils ne vont pas tarder. Les dirigeants, à commencer par Liu Shaoqi, le président de la République, sont révoqués et humiliés. Liu Shaoqi, qui, vous le savez peut-être, sera enfermé et sombrera dans la folie, car nul ne peut s'opposer à l'action vengeresse des gardes rouges. C'est même désormais interdit par un décret du comité central. Parallèlement, à côté de ce désastre humanitaire qui va provoquer des centaines de milliers de morts, peut-être même des millions, la jeunesse s'attaque à tous les symboles de l'ordre ancien. Il est détruit. Des temples, des statues, des livres font l'objet de cet incroyable saccage. Tandis qu'un peu partout, avant d'être massacrés ou envoyés travailler à la campagne, les principaux cadres de l'ancien système subissent des séances d'autocritique publique. Mao triomphe. Oui, mais d'une certaine façon, c'est une victoire à la Pyrrhus. Car les ferments de la division se trouvent déjà dans ces commencements de la révolution culturelle. Pour terminer, très provisoirement, et avant la suite de cet entretien la semaine prochaine, je voudrais vous lire un témoignage édifiant sur la révolution culturelle. C'est l'écrivain Liu Hua qui le donne dans un livre qui vient de paraître chez Actes Sud, Brothers. Ces deux héros sont des gamins, et ils racontent comment ils voient les gardes rouges affubler leurs prétendus ennemis de classe de chapeaux pointus. Et Liu poursuit. N'importe qui avait le droit de les gifler, de leur donner des coups de pied dans le ventre, de se moucher, de s'essuyer les doigts dans leur cou et de se déboutonner pour pisser sur eux. Ils subissaient ces humiliations sans un mot, sans oser lever les yeux, et les autres riaient à gorge déployée en leur ordonnant de se souffleter eux-mêmes, de crier des slogans où ils s'attaquaient d'abord à eux-mêmes et ensuite à leurs ancêtres. Pour Li Guangtu et Song Gang, ce fut l'été le plus inoubliable de leur enfance.